tu amore, a ti yo siempre, siempre, siempre te amaré. Si no consigo nunca, nunca, nunca tu querer. Óyeme, mi vida rueda en busca de tu amore, a ti yo siempre, siempre, siempre te amaré. Si no consigo nunca, nunca, nunca tu querer. Mi vida, te adoro, te quiero para siempre. Soy tuya y sigo rodando por ti. Óyeme, mi vida rueda en busca de tu amor. A ti yo siempre, siempre, siempre te amaré. Si no consigo nunca, nunca, nunca. Dans la nuit, n'importe qui. Bonsoir. appelle ça le jeu du téléphone. Il bouge au caillou genou. Au pluriel, ça prend un i sans astérisque. C'est du grec que nous vient le x, comme vient le mot astérisque. Puis les grecs inventèrent l'y, mais c'est pas sur le même disque. Il bouge au caillou genou. Au pluriel, ça prend un x sans astérisque. Vous me direz qu'il y a le z, mais je ne suis pas à l'ouze. J'aime le x, un peu moins le z. Jouons le 10, c'est pas le 12. Il bouge au caillou genou. Au pluriel, ça prend un x sans astérisque. Les gimmicks, il en faut un max. Chi chi chi, elle a gagné. Avec l'x, on est plus relax. On peut toujours inventer. Il bouge au caillou genou. Au pluriel, ça prend un x sans astérisque. Oui, mais nous, pas besoin de grammaire. On se sert pas de tout ça. Mais nous deux, c'est pas nécessaire. On ne fait qu'un, toi et moi. Il bouge au caillou genou. Au pluriel, ça prend un x sans astérisque. Vous n'êtes qu'abréviation. C'est pourquoi, virgule à la ligne, je termine ma chanson. Ibouchou caillou genou. Au pluriel, ça prend un i sans astérisque. Ibouchou caillou genou. Et pouh! You're dying on this list and that thinks so on a new day. An echoes of my life to burn right into your 7-hour turn. An echoes of my life to burn into your 7-hour turn. An echoes of my life to burn into your 7-hour turn. The problem is not the only pain. Shibad Buddha, Shibad Buddha, Shibad Buddha. Time could be part of a machine. You could pack it, see it's clean. Or skip my plastic heart. This be the first Macy blues. And you can hear it without shoes. You can hear it without shoes. You can hear it without shoes. It's me that has to stop the road. First number name and then the code. First number code and then the name. I think it's still a funny game. Thank you. you mind being quiet in there? You might can't even hear a good feel that good. No light on the stair, you just don't care. You better beware, or I might take a tumble. Go get a job, stop being a slob, go earn a few bucks, and I'll give you a kiss. Twist and turn, vertigo, vertigo, vertigo, vertigo, vertigo. Sans rien dire, le monde se mettre au pas. Où est-elle donc ma plage privée? Un jour on en a marre, on ouvre le débat. Ça se termine en bagarre, on ne nous écoute pas. On nous traite d'anarchistes, nous sommes les parias. Ils n'ont qu'une idée en tête, ils veulent nous mettre au pas. Où est-elle donc ma plage privée? Bruxelles devient un soir une zone de combat. Le millénaire qui foire, le bourgmestre c'est baba. C'est la nuit de l'espoir, tout le monde est roi. Et les flics sont ce soir-là les seuls qui marchent au pas. Où est-elle donc ma plage privée? Quand viendra la victoire, qui sait où l'on sera? Voiture, travail, villa, on ne la voudra pas. On aura le pouvoir, on se tiendra droit. On regardera de travers ceux qui ne marchent pas au pas. Je l'ai trouvé, ma plage privée.